Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, vise au fond des ports. Il naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates n'émergitures, c'était pas de la littérature, non, déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots étaient pas des enfants de salauds, mais les amis franco de bord, les copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits Castor et Pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montagnier Labo, et si sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile ils l'avaient pas lu, mais ils s'aimaient toute voile dehors, toute voile dehors. Ton Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confit, et or aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leur voix lançait des SOS, on aurait dû décer ma porte, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, y'avait pas souvent de lapin, quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'eau ne se refermait, cent ans après qu'aucun ne sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais c'est qui a tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, jamais viré de bord. Naviguait ton père Pélard sur la grand-mare des canards, et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.